Mourou. La mise en onde est assurée par François Akimana. Bonjour à tous et bienvenue à ce journal dont voici d'abord les grands titres. Les causes de l'implantation du bureau de l'Office des Nations Unies des droits de l'homme au Burundi ont été levées. Tels sont les propos du Prosper Nahurwamiye, le secrétaire général du porte-parole du gouvernement. Vous allez l'entendre, c'était dans un entretien de ce samedi avec les porte-parole de différentes institutions. Et toute personne qui sera attrapée en train de traverser les frontières du pays non reconnu sera considérée comme malfaiteur puisqu'on n'aura pas été testé de la maladie d'Ebola. Ces propos sont de l'administrateur de la commune Guihanga en province Bubanza. Et au nord du pays, des caféiculteurs de certaines collines de la commune de Gachoro attendaient toujours le paiement de l'argent pour le café cerise vendu pour la saison 2018. Notre correspondant Dieudonné Nzeyimana nous en dira plus dans ce journal. Et voici pour les grands titres. Les détails, c'est dans quelques instants. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Ouvrons son journal par la page Droits de l'homme. Les causes de l'implantation du bureau de l'Office du Haut Commissariat des Droits de l'homme au Burundi ont été levées. Tels sont les propos de Prosper Nahurwamiye, le secrétaire général et porte-parole du gouvernement. C'était dans un entretien public de ce samedi avec les porte-parole de différentes institutions. Il précise néanmoins que, quand bien même le bureau de cet office serait fermé, la collaboration restera. Je vous propose de l'écouter. Aujourd'hui, nous avons la Constitution, nous avons la Chambre basse du Parlement. Tout ce qui était inclus dans les accords d'Arusha a été mis en application. La Commission nationale des droits de l'homme est fonctionnelle. Le Conseil national de lutte contre le génocide et d'autres crimes contre l'humanité et la Commission vérité et réconciliation ont été mises en place. Alors, le gouvernement burundais considère actuellement que les conditions posées pour la protection des droits de l'homme sont levées. Je vais vous montrer le piège. Si le gouvernement négociait le retour du bureau de l'Office du Haut Commissariat de l'ONU des droits de l'homme au Burundi, on dirait que nous aurions basculé dans la situation de 1995. Mettons la politique à part. Si on demandait à un patriote burundais, est-ce que la situation qui prévalait en 1995 est la même qu'aujourd'hui? Mais tenez, ce n'est pas pour dire que le Burundi va suspendre la collaboration. Non, car le Burundi est membre. L'important est de déterminer le mode de collaboration. Comprenez que les causes de l'implantation de l'Office onusien des droits de l'homme au Burundi ont été élevées. Mais cela n'empêche pas qu'avec un autre mémorandum d'entente, la collaboration continue, d'autant plus que le Burundi est membre. Voilà, c'était Prosper Nahurwamiye, il est porte-parole du gouvernement. Il a été traduit en kirundi par notre confrère Eleni Bell Nibigira. Page société à présent, le traitement des conflits fonciers qui concernent les exilés burundais de 2015 devra attendre leur retour au pays car les terres restent fixes. Le porte-parole de la Commission nationale des terres et autres biens explique que c'est dans l'optique de traiter ces dossiers avec équité. Dieudonné Bonima l'a dit ce vendredi à Rumonge, c'était lors d'un point de presse suivant. Il y a aussi ces cas-là, mais au niveau de la Commission nationale des terres et autres biens, nous attendons à ce que ces personnes-là regagnent le bercail afin de trancher les différends. Parce que les terres ne se déplacent pas. Nous avons pris une décision d'attendre pour que ces gens regagnent le pays, et pour ne pas donner cette propriété aux commissionnaires qui s'observent ici à Rumonge, mais aussi à Makamba. Au cours de ce point de presse, Dieudonné Mbonima a nié que certains membres de cette commission sont corrompus. Suivez encore une fois Dieudonné Mbonima. Vous avez aussi évoqué la question de la corruption au niveau de la Commission nationale des terres et autres biens. Pour nous, nous disons que c'est non, mais nous lançons un appel vibrant de dénoncer qui peut nuire l'image de la Commission nationale des terres et autres biens, dénoncer ces corrompus pour qu'ils soient punis conformément à la loi, parce que c'est impossible qu'un membre de la Commission nationale des terres et autres biens soit corrompu, parce que la décision est prise au niveau collinaire, il y a des membres élus collinaires, il y a des membres qui sont délégués par l'administrateur communal, il y a aussi un conseil principal des gouverneurs, il y a le cadre permanent, il y a aussi les délégations provinciales des membres de la Commission nationale de terre et haute bien. Donc la décision de niveau province est prise par au moins plus de 10 personnes. Et je trouve donc impossible que quelqu'un puisse avoir de l'argent pour corrompre son nombre de personnes pour prendre position à sa faveur. Aussi, si c'est celui qui se sent lésé de la décision prise au niveau de la délégation provinciale, il saisit directement la commission ad hoc de recours. La commission de recours au niveau national aussi fait ses enquêtes complémentaires pour prendre une décision. Après, l'analyse est faite au niveau de la plénière où siègent plus de 47 membres. C'est impossible alors de corrompre tous les 47 pour prendre une décision en faveur d'une personne qui a donné la corruption. Mais je saisis l'occasion pour demander à qui de droit de dénoncer celui qui peut être corrompu pour que les décisions de la Commission nationale des terres et autres biens ne soient pas guidées par l'impératif de concilier les objectifs de la loi. C'était Dieudonné Mbonimpa, le porte-parole de la Commission nationale des terres et autres biens, et ses propos ont été recueillis par notre confrère Jean-Pierre Misago. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Poursuivons avec ce journal. Des caféiculteurs de certaines collines de la commune de Gachoro attendent toujours le paiement de l'argent pour le café cerise vendu pour la saison 2018. Alors que le paiement devrait commencer en juin, le président de la Fédération des associations des producteurs du café à Muyinga rassure que les caféiculteurs concernés auront bientôt leur dû de donner Nzaïman. Les caféiculteurs des collines comme Gisanze et Gisabazua attendent toujours l'argent pour le café vendu pour la saison 2018. Le paiement devrait avoir commencé en juin. Le montant global tourne autour de 200 millions de francs burundais, d'après des producteurs attendant impatiemment leur argent. Des programmes de développement des ménages concernés sont freinés par ce problème. Comment par exemple entretenir les vergers caféicoles sans argent? Lance le caféiculteur. Il y a plus d'un mois, le propriétaire de l'usine, un certain Mouarabou, affirmait avoir eu un marché d'écoulement de son café et qu'en conséquence, les caféiculteurs devraient être régularisés. Promesse non tenue. Le dossier est pris à main par l'autorité de régulation de la filière café, Arfic en sigle. Annonce de Jean-Pierre Nabomenyereye, président de la Fédération des caféiculteurs de Muyinga. Pour lui, sans doute, dans les jours à venir, on aura le calendrier de paiement. De Muyinga, Dieudonné Nzeyimana pour la radio Isanganiro. Dieudonné Nzeyimana, du nord-est du pays, rendons-nous au centre pour parler bonne gouvernance. Les habitants de Gitega qui désirent avoir des compteurs d'eau et d'électricité de la régie des eaux demandent aux responsables de cette entreprise de tout faire pour les rendre disponibles dans les meilleurs délais. Ils se disent ne pas comprendre comment une année puisse se terminer sans compteur dans les stocks de la région centre-est de la régie des eaux. Le chef de la régie des eaux région centre-est précise que l'achat de ces compteurs n'entrait pas dans ses compétences. Gérard Nibigir. La population de la province de Gitega en général salue les efforts manifestés par la Régie des eaux dans l'électrification d'un grand nombre possible d'endroits, et cela depuis un certain temps. Néanmoins, les habitants des communes Nyarusange et Vuraza, les seules deux communes non éclairées dans la province de Gitega, réclament toujours que leur commune soit aussi éclairée. Toutefois, pas mal d'habitants des endroits que la Régie des eaux a éclairés n'ont pas de compteur d'électricité. C'est ainsi qu'il demande à cette entreprise de tout faire pour rendre disponibles ses compteurs. Il précise que cela leur permettrait de démarrer de petits projets de développement comme les ateliers de soudure, l'ouverture de buvettes et du lait, l'installation des machines à bois, l'installation des moulets et des salons de coiffure et autres. De son côté, le chef d'antenne de la Régie des eaux région Centre-Est, M. Jean-Claude Manelakiza, fait savoir que le dossier de compteur d'eau et d'électricité n'entrait pas dans ses compétences et qu'il est du ressort de ses supérieurs hiérarchiques. Il explique que quand ces matériels sont disponibles dans les stocks de la Régie des eaux à Bujumbura, ses supérieurs lui demandent de les transporter jusqu'à Gitega. Jean-Claude Manelakiza souligne également qu'il y a environ une année que les compteurs d'eau et d'électricité font défaut à Gitega. Il termine en disant que l'enregistrement des demandeurs de ces compteurs a été suspendu jusqu'à ce qu'ils soient encore rendus disponibles. Depuis Gitega, Gérard Niwigira pour la radio Isanganiro. Merci à Gérard Niwigira. Page sport à présent. La mise en place des textes réglementaires de l'association des journalistes des sports au Burundi, AJSP, ainsi que l'accueil de nouveaux membres, telles sont certaines des réalisations de cette association au cours de l'année 2018. Lors de l'Assemblée générale de l'association AJSP, la présidente de cette organisation a précisé qu'avec l'appui du président de la République, ils vont mettre en place un site web professionnel qui fournira diverses informations sportives. Suivez Liliane Chimiliman. Parmi les réalisations de cette année, on a pu mettre en place des textes réglementaires de l'association, dont les statuts et le règlement d'ordre intérieur, conformément à la nouvelle loi sur les ASBL du ministère de l'Intérieur et de la Formation patriotique et du développement. On a aussi accueilli des nouveaux membres. On vient d'accueillir 18 membres, dont deux filles, ce qui est nouveau pour nous. Nous apprécions de voir que maintenant notre association commence à accueillir des jeunes filles journalistes et nous espérons qu'on aura même d'autres. Quels sont les défis rencontrés durant cette année 2018? Le défi majeur qu'on a rencontré au cours de la réalisation de nos projets, c'est un défi lié au manque de moyens financiers. C'est un défi majeur pour nous et nous espérons qu'on va faire face à ce défi en essayant d'élaborer de nouveaux projets générateurs de revenus. Nous allons aussi continuer à toquer à gauche, à droite pour voir comment mettre en place nos programmes. Qu'est-ce que vous comptez faire l'année prochaine pour promouvoir le domaine de sport ici au Burundi? Nous comptons mettre en place un site web professionnel et nous avons une promesse, comme vous l'avez appris dans ces derniers jours. Nous avons eu la chance d'être accueillis par son Excellence le Président de la République. Il nous a promis de nous aider à mettre en place un site web professionnel. Et voilà, c'était Liliane Chimilimana, elle est présidente de l'Association des journalistes des sports au Burundi, AJSB en sigle. Page santé, avant de clore ce journal, toute personne qui sera attrapée en train de traverser les frontières du pays non reconnu sera considérée comme malfaiteur puisqu'elle n'aura pas été testée de la maladie d'Ebola. À propos de l'administrateur de la commune de Gihanga en province Ebomanza, Léopold Ndaïsaba l'a dit lors d'une réunion de sensibilisation des responsables scolaires pour la prévention et la lutte contre cette maladie. Et voilà, 13h passées de 8 minutes. C'est par ici que nous bouclons ce journal. Bonne journée dominicale à tous.